17h sur Studek Web. Studek Web. Avant de retrouver le GPS avec Dove et son équipe, 2 minutes d'info. Studek Web, les infos. Et ça se passe avec Thomas Sellière. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Info de dernière minute. Un Palestinien vient d'être tué par des tirs israéliens au ministère de Gaza. Plus d'informations dans le journal de 18h. Yann David Long, 28 ans et ancien marine, c'est l'identité du tireur de la fusillade qui a eu lieu hier soir dans un bar près de Los Angeles. Les experts qui étaient venus le voir quelques mois plus tôt auraient décelé des troubles psychologiques et une manière irrationnelle de réagir. Le tueur s'est donné la mort peu après le massacre de 12 personnes. La justice a finalement écarté la piste de commotion cérébrale dans la mort du rugbyman à Aurillac en août dernier après un plaquage. Selon le procureur d'Aurillac, Olivier Clémenceau, annonce que le décès serait lié à un traumatisme thoracique précordial qui aurait entraîné une commotion cardiaque létale sur un cœur déjà pathologique. Olivier Letang, ancien responsable du PSG, se dit profondément choqué et blessé des accusations dans les événements de l'histoire du fichage ethnique du PSG, peu après que le club lui-même ait reconnu l'utilisation des formulaires avec des contenus illégaux de 2013 à 2018. La cellule de recrutement du centre de formation du Paris Saint-Germain ont dénoncé une initiative personnelle du responsable de ce département. Le maire de la ville de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est à la cible de nombreuses critiques depuis la catastrophe. Il a aujourd'hui défendu son statut et notamment les rumeurs de démission. Vous croyez que le capitaine démissionne quand il y a une tempête, a-t-il rétorqué. 3 jours après l'effondrement des 2 immeubles dans le cœur du quartier populaire de Noailles, qui a fait au moins 6 morts, le maire de la ville défend son programme de rénovation des habitats anciens. On passe à la météo et la fin de journée reste très agréable, même si relativement fraîche sur l'ensemble de la France. Le soleil brille malgré quelques nuages qui parsèmeront la France. Seuls la Corse, les Alpes-Maritimes verront quelques averses au cours de l'après-midi, mais qui devraient disparaître dans le début de soirée. Pour la soirée et la fin de soirée, dans le début de nuit, la pluie dominera sur le Finistère, l'Aveyron ainsi que les Deux-Sèvres. Pour les températures, les moyennes sont de 9 à 17 degrés au cours de la journée et de 5 à 14 degrés cette nuit. Demain, le temps sera perturbé dans le sud-est et nord-ouest du pays avec des cumuls de pluie à surveiller, notamment dans le Languedoc et l'Ardèche. Notons également aujourd'hui 13 au Havre, 12 à Paris et 17 à Marseille. Retrouvez Dove et toute son équipe dans le Drive sur Studek Web. Merci Thomas, prochain Flash Info à 17h20. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. On m'a signé dans le talkie que vous n'étiez pas sur la même station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur Studek Web. 17h03, bienvenue sur Studek Web. Vous écoutez le Grand Prime Studek. Bonsoir à vous et à toute l'équipe. Salut Romain. Hey, salut Dove, salut tout le monde. Salut Rémi. Salut Dove, salut, bonjour tout le monde. Nous avons également avec nous Johan Guillet de la rédaction de Studek Web. C'est lui qui vous tient au courant de la circulation en direct. Bonsoir Johan. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tout le monde. Les infos trafic, c'est toutes les 10 minutes à partir de 17h20. Moi, je m'appelle Dove, enchanté. Si vous êtes dans votre voiture, dans les transports en commun, on vous accompagne pendant 1 heure. Pour ça, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Le Vinyl Story avec Romain à 17h12 qui sera consacré à... Au groupe Change, les rois de la funk, que j'apprécie énormément. Le Vinyl Story, ça arrive très vite. Avant ça, on découvrira le plein phare du jour avec Rémi. Un documentaire aujourd'hui consacré au parolier Étienne Rodagil. Parolier français. Oui. J'adore la France. On a prévu de la musique aussi, c'est important, surtout quand c'est des bons titres. Avec la collaboration de Carolina, vous pourrez apprécier ce titre. On aura également Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé, Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé. Aurel San et Maître Gims seront du voyage. Vous pourrez apprécier tous ces titres, mais avant 17h05, c'est l'heure de jouer. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studek Web. On va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Et on l'enclenche cette marche arrière avec Rémi. Oui, Dov, et il faut d'abord que je vous explique ce qui est attendu de vous dans ce jeu de la marche arrière. Je vais tout au long de l'émission vous dévoiler des indices qui vous serviront ensuite à retrouver une année en particulier. Si vous retrouvez cette année, vous repartirez avec un pack Studek Web et une visite de nos studios. Vous aurez la chance de découvrir les coulisses de votre émission et même de nous rencontrer. Ça vous intéresse les cadeaux? Quelle question, bien entendu. Alors préparez-vous parce que voici le tout premier indice. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. En chantant, c'est bien sûr une chanson de Michel Sardou parue sur l'album Je vole. En chantant qui rencontre un grand succès en France, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires l'année que nous recherchons. Mais quelle est-elle? Vous l'avez? Alors ne tardez pas à vous rendre sur la page Facebook Studek Web, nous laisser un message privé avec votre numéro de téléphone. Vous ne vous souvenez plus de l'année de la sortie de la chanson? Pas de panique, d'autres indices qui vous seront donnés. Bonne chance. Merci Rémi, il reste 3 instants jeu. Vous avez donc encore 3 chances de trouver la bonne réponse. Hier c'était l'année 1989, c'est Julien de Bordeaux qui l'avait trouvé. Attention, ce n'est pas la même aujourd'hui. Un jour j'ai ramené 2 meufs, c'était nul. Ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue. Avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. J'aime que les mangas, j'aime que les mangas. Et les films de Van Damme, et les films de Van Damme. J'prends pas de bouteille en boîte, j'prends pas de bouteille en boîte. À Carrefour c'est 20 balles. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. J'mets que des t-shirts de geek. Japan Expo, c'est la Fashion Week. Tous les matins sont des lendemains de cuite. J'suis pas validé par la street. T'as 10 followers, t'as 10 followers. Tu peux les voir en vrai, tu peux les voir en vrai. Fananananana, fananananana. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Maître Gims. Lunettes noires, pokéface, j'pose tapis. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. J'sais plus quel effet ça fait d'être 3 fois platine. Ouh, yeah. Je te taquine, je suis le pont entre Young Thug et George Moustaki. Le noir le plus aimé du central massif. Je comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet, Gory. Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Johnny. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Ah, c'est pas vrai, qui sait qu'a encore coupé la lumière? Voilà, c'est mieux, ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur Studek Web. Tu ne peux pas t'en empêcher, Rémi. Il faut que tu nous trouves des Catalans vraiment partout. Oui, Dov, et qui plus est, dans la chanson française, que je vous explique. En naviguant sur le net, je suis tombé sur une photo qui m'a interpellé. Pour la simple et bonne raison que sur cette photo, il y avait celui qui a représenté la chanson catalane en Roussillon, surnommé le messager de l'âme catalane, Jordi Barre. Mais il n'était pas tout seul. À ses côtés, un autre homme. Qui était-il? C'était bien sûr ce que je cherchais à savoir. Eh bien, en lisant les commentaires, j'ai eu ma réponse. Il s'agissait d'Esteve Roda y Gil, plus connu à Paris sous le nom d'Étienne Roda Gil. Peut-être que ça ne vous parle toujours pas, et pourtant. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Il a écrit, pardon, il était surnommé l'homme aux 750 chansons dont tant de refrains trottent dans nos têtes, comme celle qu'on entend là, le lac majeur interprété par Mort Schumann. J'ai bien entendu cherché à en savoir plus sur Étienne Roda Gil, et figurez-vous qu'un documentaire sur l'auteur est sorti au cinéma le 31 octobre dernier. Un hommage à la créativité de ce poète industriel, comme il aimait à se nommer, et ce grâce aux entretiens menés par Charlotte Silvera, jusqu'à la disparition brutale de Roda Gil en 2004. J'ai écrit plus de pratiquement 747 chansons, je sais plus. Elles sont toutes enregistrées, j'ai pas de fond de tiroir. C'est celui qui a écrit le texte de Joule Taxi qui a changé ma vie. Les chansons, ça aide à vivre, c'est vrai. Et il y en a d'autres qui aident à mourir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est issu d'une famille de combattants républicains catalans exilés. Son père est interné au camp de Setfon en Occitanie et sa mère au camp d'Argelès en pays catalan. Et au moment où naît Étienne, le 1er août 1941, la famille est domiciliée dans le Tarn-et-Garonne. Plus Rodagil grandit, plus il aspire à devenir professeur. En 1953, la famille part s'installer en région parisienne où très vite il est confronté pour la première fois à la xénophobie. Licencié en lettres et visiteur médical, en 1967, dans un bistrot de la place de la Sorbonne, il fait une rencontre inattendue, celle d'un jeune homme chevelu qui cherche quelqu'un pour lui écrire des chansons. À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux. C'est Julien Clerc avec qui il a collaboré jusqu'en 1980 et puis à nouveau à partir de 1992 pour l'album Utile. Mais Rodagil, c'est aussi des textes pour Johnny Hallyday, Claude François, Barbara, François Hardy, Pascal Obispo ou encore Louis Bertignac. Quand Rodagil meurt, Jacques Chirac, alors président de la République, dit regretter la disparition d'un parolier de génie. Un parolier qui, dans les années 2000, commençait à revendiquer publiquement son identité catalane et qui a écrit en catalan, sa langue maternelle, une chanson pour sa dernière fille, Alma. Anima no tinguis por, anima no tinguis por, y quan vini la tardu, enamorada de vos, y quan vini la tardu, enamorada de vos. On l'appelait Roda est un documentaire que je ne peux que vous conseiller. Étienne Rodagil, on l'a bien compris, un très grand parolier français. Merci Rémi. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Romain, tu as démarré la machine à remonter dans le temps. Tu vas nous faire découvrir ou redécouvrir un groupe de musique funk que tu apprécies énormément. Et oui, exactement. Il s'agit du groupe italo-américain Change, créé à Bologne en Italie en 1979. Il s'inspire beaucoup du groupe Chic, le grand groupe funk que tout le monde connaît. Et leur premier album est sorti en 1980 et s'intitule The Grow of Love et bat un record jamais égalé puisqu'il reste 9 semaines d'affilée en tête du Billboard d'album Club Play et en fait le meilleur album disco de l'année en un an seulement après la création du groupe. Mais l'album sur lequel nous allons nous intéresser grandement pendant ces deux prochaines minutes est leur second album intitulé Miracles, sorti une année plus tard en 1981. Il a été créé par les mêmes producteurs et mêmes auteurs que le premier album. Donc ceux qui ont adoré le premier volet ne seront pas perdus. Et cet album n'établira pas de nouveaux records comme son prédécesseur, mais est quand même resté 6 semaines en tête du album Club Play de 81, faisant de lui un des albums les plus écoutés et appréciés concernant la funk cette année-là. Pourquoi ? Eh bah, tout simplement parce que les musiques présentes dans ce deuxième opus ont énormément plu au public, comme le titre Miracles. Ou encore le titre On Top. Mais un des titres phares reste le titre Paradise, chanté par James Robinson et Deborah Cooper, classé 80 dans le Billboard Hot 100, 7e dans le US Billboard Hot Soul Singles et 1er dans le US Billboard Hot Dance Club Play. Écoutez. Cet album est un concentré de funk avec un tempo varié, rapide comme lent. On trouve de tout pour élargir son public, comme notamment Stop for Love pour tous les amoureux adeptes de slow. Small illusions get into the way, and communication slips away. Ah là là, cette musique vous rappelle sûrement des souvenirs, hein. Les slow sur la funk, ça manque énormément. Et pour les célibataires de l'époque qui n'ont pas pu goûter au slow de Stop for Love, on peut se déhancher et bouger sur la piste de danse grâce au titre Your Move. Quel bonheur d'entendre de la funk. J'aurais aimé naître dans les années 60 pour pouvoir écouter ce genre de musique en boîte. Moi je vous le dis, j'aurais fait un malheur. La musique de cet album qui a traversé le temps, les pays du monde et qui reste aujourd'hui comme... la meilleure chanson du groupe, c'est Hold Tight, classée 80 au Billboard Hot 100, premier Hot Dance Club et 49e au Hot R&B Pop Song. C'est la musique de Change qu'on entend le plus encore aujourd'hui. Elle a marqué et continue de marquer les esprits, surtout celui des amateurs de funk, titre que l'on écoute tout de suite et qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr. Vous écoutez le GPS, bonne fin d'après-midi avec Studeg Web. Jusqu'à 18h, on fait la route ensemble, les amis. Johan vous informe du trafic en direct à 17h20, juste après les infos. Et si jamais au volant, il vous arrive des trucs un peu insolites. On a eu Grégoire hier qui a été bloqué par deux chèvres. Ça s'est passé sur l'A46, près de Lyon. Il a été bloqué pendant une heure. Les fameux chèvres qui nous ont bien embêtés hier. Il a fallu l'intervention des pompiers quand même. Il a été bloqué une heure. Eh oui, des pompiers. Les pompiers sont venus. Mais parce que les deux chèvres se baladaient sur l'autoroute. Les chèvres, elles voulaient pas partir. Les chèvres ont dû faire barrage. Les chèvres folles, voilà. Mais elles ont été reprises en toute sécurité. Il n'y a pas eu de blessés, et surtout pas les chèvres. Elles s'apparaissent pour le 17 novembre prochain. Ça qui a bloqué la route. Habillé en jaune, c'est ça. Habillé en jaune avec le gilet jaune. C'est des choses qui peuvent se produire. Enfin, s'il vous arrive des histoires similaires, vous vous garez et vous nous le dites. Nous, on fait passer votre message à l'antenne. Faut pas hésiter. Vraiment, ça nous fait plaisir quand il y a de l'interaction entre nous. C'est sur la page Facebook, @studegweb. On attend vos messages. Tout à l'heure, on a fouillé la boîte à gants avec Romain et on a trouvé un ticket pour une exposition sur un palace parisien. Ah ouais, exactement. Pour l'exposition photo du crayon. Et je vais vous parler également de la prochaine représentation au théâtre de Joestar, le rappeur. Concernant le jeu, si vous n'avez pas trouvé l'année en question, nous aurons le retour de la marche arrière avec le deuxième indice. Honnêtement, même si vous ne trouvez pas tout de suite, ça peut arriver. Le premier indice ne vous a pas parlé, le deuxième est pas suffisant, il vous dit quelque chose, mais il vous manque quelques informations. Pas de panique, on ne se précipite pas. Rémi, il y aura combien d'indices au total ? Il y en aura 5. Au total, il y en aura 5. 5 indices ? Oui. Voilà, ça vous laisse de la marge et vous aurez encore une demi-heure pour trouver la bonne année. On est de retour dans 3 minutes pour le deuxième indice. Précédemment sur Studec Web. Soyez fiers du travail que vous allez faire l'année prochaine, parce que moi j'ai aucun doute de votre qualité. Après 5 mois d'absence, l'équipe la plus folle est de retour. Nous sommes en direct du plateau télé Studek Web. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir sur Dailymotion et YouTube en live. Patate d'enfer. Et une barre de fer, un bloc de béton impossible à plier. Impossible à plier. Deux fois plus. Trois fois plus. Les portes étaient fermées, mais tout va réouvrir. Studek Web, la rentrée. Le 5 novembre. Studek Web, les infos. 17h20, les informations avec vous, William Baudry, bonsoir. Bonsoir Dove, bonsoir à tous. C'est un ancien soldat, Yann David Long, qui a ouvert le feu près de Los Angeles. En avril, des policiers se seraient rendus chez lui. Il agissait de manière irrationnelle et des experts en psychologie sont alors venus chez lui. L'individu âgé de 26 ans a tué 12 personnes hier soir dans un bar discothèque. Il se serait ensuite suicidé. Une centaine d'étudiants étaient présents. Il reste toutefois à déterminer le nombre de personnes qui ont été blessées lors de cet assaut. En France, la confiance envers le couple Emmanuel Macron-Édouard Philippe a de nouveau diminué. La cote de popularité du président a chuté de 3 points et atteint 27%. Même score pour le Premier ministre qui perd lui 1 point. Ces résultats proviennent d'un sondage Elab qui a été publié aujourd'hui. Pour le couple exécutif, il s'agit du niveau le plus bas depuis le début du quinquennat. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a réagi suite à l'effondrement de 2 immeubles vétustes lundi. Il se défend et appelle l'État à faire évoluer la réglementation pour faciliter et accélérer les procédures contre l'habitat indigne. Il a également écarté toute idée de démission. Au total, 6 corps ont été extraits des décombres des immeubles qui se sont effondrés. 2 immeubles voisins vont être démolis par sécurité, ce qui entraînera la suspension des opérations de recherche. 2 autres victimes sont encore potentiellement ensevelies. Chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'est toujours pas tiré d'affaire. La justice a tout à l'heure annoncé qu'elle valide l'enquête visant ce dernier. Le joueur du Real Madrid et 5 autres personnes sont déjà mises en examen dans cette affaire. Cette décision de la Cour d'appel de Paris ouvre la porte à un éventuel procès. L'avocat de Benzema a aussitôt fait part de son souhait de se pourvoir en cassation. Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur de Guingamp, qu'il a dirigé de 2010 à 2016. Il y a aussi remporté la Coupe de France en 2014. Le club breton, dernier du championnat de France, avait limogé Antoine Comboiré pour ses mauvais résultats. Guingamp jouera face à Lyon samedi dans le cadre de la 13e journée. On termine avec la météo. Le ciel demeurera dégagé sur l'ensemble du territoire. Quelques gouttes de pluie feront quand même leur apparition dans la soirée à Nice. Demain matin, le temps sera à nouveau ensoleillé de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine en passant par l'Île-de-France et le centre-val de Loire. Nuages et averses fusionneront cependant sur la moitié est, en particulier en Occitanie. Les températures pour demain matin, 8 à Paris, 16 à Fréjus, 11 à Rennes, 13 à Bordeaux et Lyon ou encore 9 à Épinal. Voici la suite du GPS avec Dove. Merci William. Vos prochaines informations avec les titres de Studek Soir à 17h40. Studek, l'infotrafic. Les infotrafics avec toi, Johan. Dis-moi, dis-nous plutôt, est-ce que ça bouchonne ? Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Cependant, sur l'A86, le trafic est fortement perturbé après un accident aux abords du péage de Vélizy. Un poids lourd est impliqué, la bretelle de sortie extérieure vers Vélizy est fermée pour une durée indéterminée. Notez la présence d'un dépanneur pour relever la remorque et ses marchandises. La circulation est très fortement ralentie. Sur l'A31, direction Bonnet-Lyon, un poids lourd et un autre véhicule se sont percutés à la jonction avec l'autoroute A5. Dans cette zone, roulez avec prudence et anticipez. Un véhicule léger est en panne sur le boulevard périphérique de Bagnolet en direction du boulevard périphérique Lila. Vers la sortie de l'autoroute A3, pensez à ralentir. Et enfin, un autre véhicule léger est en panne sur l'autoroute A14 Paris-Province dans le tunnel de Neuilly. Là aussi, soyez vigilants et ralentissez légèrement. Merci Johan, le retour de vos infos sur les routes, c'est dans moins de 10 minutes. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Le jeu de la marche arrière continue. En quelques mots, tu peux nous rappeler ce que c'est, Rémi ? Alors oui, Dove, pour ceux qui nous rejoignent, le jeu de la marche arrière, c'est une année à retrouver. Mais comment ? Grâce à des indices qui vous parviennent tout au long de l'émission. Le premier indice. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est bien sûr un extrait d'une chanson de Michel Sardou, Un chantant, sorti l'année que nous recherchons. Passons maintenant au deuxième indice. Durant l'année que vous devez retrouver, c'est l'église qui perd en l'espace de quelques mois 2 papes. Le pape Paul VI décède, le pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani, est élu pape et meurt seulement après 33 jours de pontificat, puis est élu pape sous le nom de Jean-Paul II. Après 2 jours de conclave et 8 jours de scrutin, l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła. Alors, en quelle année a été élu le pape Jean-Paul II? Si vous avez la réponse, on attend d'ores et déjà vos messages privés avec vos numéros de téléphone sur la page Facebook de Studek Web. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai tout à l'heure d'autres indices pour vous mettre encore plus sur la piste. Merci Rémi, nous on repasse la première, vous êtes dans le Grand Prime Studek jusqu'à 18h. Samba, samba, samba. La concurrence est affolée. Je suis à la radio, je suis à la télé. Dans le carré VIP pour RDV. En train de tout casser. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. D'abonnés sur Instagram, l'artiste. Je ferai pas de jeu de mots, mais. Quel artiste! Les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes amateur de vin? Oui. Un amateur de vin. Je dis ça parce que j'ai une info qui va peut-être réveiller vos sens de nos fils. Des archéologues chinois ont découvert dans une tombe de la province du Henan, c'est à l'est de la Chine, un récipient en bronze vieux de 2000 ans. Et ce récipient contient un liquide qui pourrait être du vin. Voilà. Mais il est encore bon au moins, il est potable. Bah, on dit que le vin se mûrit avec l'âge, mais là, 2000 ans, je crois que ça fait un peu beaucoup. Je bah, il y a des vins qui vieillissent mal et d'autres qui vieillissent bien, ça dépend. Je me suis renseigné un peu sur la façon dont évolue le vin. Et tu as la jeunesse d'abord, si je dis pas de bêtises. Ensuite, tu as la maturité. Ouais. Et la suite logique, c'est l'apogée. Donc, le meilleur goût du vin qui se développe. Tu adores ça, c'est l'apogée. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas amateur. Enfin, en tout cas, voilà, moi je connais pas trop ça, je suis pas très amateur de vin, j'en bois de temps en temps. Oh, c'est pareil. Mais un peu de vin rouge de temps en temps, c'est bon pour la santé, c'est pareil. Ah bah, j'ai vu ça, ouais. Apparemment, oui, à chaque repas du midi, apparemment. Ouais. Le soir, non, c'est des aigreurs. Par contre, le midi, oui. Alors, chaque repas, je sais pas. Toi, t'aimes bien le vin, toi. Toujours à consommer avec modération. Toujours. Toujours, oui, toujours à consommer. Toujours. Voilà, et après, bah, après un certain temps, c'est le déclin. Voilà, en gros, il baisse de qualité. Et du coup, le déclin, il va au bout de combien de temps? C'est toujours pas? Bah, ça dépend. T'as des vins où c'est 2 ans et t'as des vins où c'est 30 ans. Moi, j'ai vu ça dans les petits journaux gratuits qu'on prend au RER et ça m'avait étonné. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Pour moi, plus un vin, tu le laissais vieillir. Et bah, en fait, ouais, aussi, ça, oui. Et ça dépend. T'en as au bout de 2 ans, bah, ils sont plus bons. T'en as au bout de 20 ans. Donc, celui-ci, au bout de 2, ça va être quelque chose. En tout cas, pas l'inquiétude. Il vous reste encore un peu de temps pour dénicher l'année mystère du jeu. Et si vous êtes fan de musique, vous aurez Calvin Harris qui devrait vous plaire. Lundi prochain à 15h, Studek Borderline prendra le contrôle des studios. Il y aura Impact Studek Web et la visite des locaux dans le jeu des poupées russes. Vous pourrez participer au sondage avec Hugo, Antonin et Mona. Il y aura la chronique urbaine et plein d'autres surprises dans une ambiance de dingue. Studek Borderline, c'est lundi 15h sur Studek Web. Studek, l'infotrafic. 17h30 sur Studek Web, c'est votre point trafic. Johan, comment elle évolue la circulation ? La circulation reste stable, hein. Sur la 86, le trafic est toujours fortement perturbé après un accident aux abords du péage de Vélizy impliquant un poids lourd. La bretelle de sortie extérieure vers Vélizy est toujours fermée pour une durée indéterminée. Un dépanneur étant noté la présence d'un dépanneur pour relever la remorque et ses marchandises. La circulation est très fortement perturbée. Il y a quand même des difficultés sur l'autoroute A36. Il y a des bouchons en direction de Mulhouse après le kilomètre 26. Celui-ci s'étend sur 2 km. Sur l'A6B, un autre bouchon s'étend du tunnel d'Italie au tunnel Bicêtre dans les deux sens. Et enfin, à noter un autre véhicule léger en panne sur l'autoroute A14 Paris-Provence dans le tunnel de Neuilly. Là aussi, soyez vigilants et ralentissez légèrement. Merci Johan. Prochain point sur les routes dans moins de 10 minutes. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête ? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi ? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur Studek Web. 17h31, vous écoutez le GPS, c'est Dove. Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus. Sachez que l'émission continue jusqu'à 18h. On a encore pas mal de surprises pour vous. Les infotrafics, je le disais, reviennent à 17h40, toujours avec Johan. La boîte à gants a été ouverte. Elle contient un ticket de l'exposition du Crillon, un palace parisien. Romain y a été pour notre joie à tous, finalement. Oui, exactement. Ouais, bah, je vous en parlerai maintenant dans moins de 10 minutes. Tu vas nous faire partager ton expérience. En tout cas, ça a l'air de t'avoir séduit. T'as toujours le sourire en l'air quand tu en parles. Vous ça se voit tant tour... que ça. Ah, ça se voit. T'es content passionné. Et ça nous rend heureux aussi. Vous ferez le tour du monde aussi, je m'explique. Tous les jours, un de nos confrères de la rédaction vous déniche les meilleures infos insolites autour du monde. Hier, Luna nous a appris des choses sur la Première Guerre mondiale, des choses que nous ne connaissions pas. En fait, dimanche, on fête le centenaire de l'armistice. C'était à cette occasion. Et aujourd'hui, c'est à ton tour, Johan. On va te faire confiance. La marche arrière va de nouveau être enclenchée pour vous qui nous rejoignez. Rémi, comment ça avance ? On a des bonnes réponses ou pas déjà sur les réseaux ? Alors, on a pour l'instant deux indices et on n'a pas vraiment de bonnes réponses encore sur les réseaux. Pas encore de bonnes réponses ? Ça va venir. Bah, en tout cas, pas d'inquiétude. Il vous reste encore un peu de temps pour dénicher l'année mystère. Si vous êtes fan de musique, Calvin Harris devrait vous plaire. Calvin Harris, c'est un des DJ les plus en vogue en ce moment. Il cartonne dans tous ses concerts et on écoutera aussi Nola. On ira où tu voudras, où ce monde nous emmènera, on ira loin de tout. On ira où tu voudras. C'est tout nouveau, c'est sorti il y a quelques jours. Là, vous avez un extrait, mais à écouter en entier, c'est formidable. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça, parce que ça. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. C'est l'heure de vous donner le troisième indice du jeu de la marche arrière. Quel est-il, Rémi ? Alors avant de vous parler du troisième indice, je tiens à vous rafraîchir un petit peu la mémoire et donc à vous rappeler les deux premiers indices que vous avez. Le premier. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est un extrait de la chanson « Un chantant » de Michel Sardou, sorti cette année-là. Et puis l'élection du pape Jean-Paul II au Vatican. L'année que vous recherchez est aussi marquée par la sortie du film culte. Écoutez. Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt ? Regarde un peu ton doigt. Ben oui, alors, il se redresse tout seul. Ah oui ? Oui. Tu raconteras ça aux députés ce soir, hein ? Mais oh ! Attention, attention, le petit doigt là. Un petit peu en l'air. Il s'enlève tout seul. Cette réplique est extraite de la comédie à succès d'Edouard Molinaro, La cage aux folles, d'après l'œuvre originale de Jean Poiret. La fameuse scène de la biscotte avec les deux protagonistes joués à merveille par Michel Serrault et Hugo Tognazzi. Trois indices. La cage aux folles, c'était en quelle année, vous vous en rappelez? Très bien, alors laissez-nous un message privé avec votre numéro de téléphone sur la page Facebook de Studec Web. Bonne chance, tout à l'heure on se retrouve pour un quatrième indice, Dove. Bonne chance à vous tous et à tout à l'heure, effectivement, pour un quatrième indice. Et en parlant de jeu, est-ce que vous avez vu la nouvelle? Camille Combal va succéder à Jean-Pierre Foucault pour relancer le jeu qui veut gagner des millions. Moi, pertinemment, personnellement, je savais que dès qu'il allait arriver sur TF1, il allait faire quelque chose de super. Outre Danse avec les stars, mais au final, bah, ça a pas loupé. Maintenant, qui veut gagner en des millions, cas, ça franchement, super. Pas mal hein, sur les réseaux. Camille Combal à la présentation de Qui veut gagner des millions, c'est pour moi juste inimaginable. Et malheureusement, moi qui adorais cette émission du temps de Jean-Pierre Foucault, je ne la regarderai pas. Vraiment dommage. C'est Émilie, oui, qui nous dit ça. C'est vrai que c'était l'enfance finalement. Moi, je regarde ça quand j'étais petit avec mes parents, avec mes frères. Oui, moi aussi. Et là, ça va changer, je pense. Ça va changer l'ambiance, comme on a Guillaume qui fait Les Amours aussi. Ouais. J'ai pas que c'est plus nul. Ça change l'ambiance en fait du jeu. Bah, là, ça rajoute là, du jeune quoi. Là où pour moi ça change quelque chose, c'est que Les Amours, il y a eu une continuité. Là, on refait un peu du neuf avec du vieux et voilà. Je pense autant Camille Combal, je suis ok. Autant le retour de Qui veut gagner des millions. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Bah, c'est vrai que Les Amours, ça a continué depuis. Ah bah, les Amours, il n'y a pas ça eu de. Ça s'est jamais arrêté, donc ouais, c'est ça. Qui veut gagner des millions, c'est un retour. Et à ce propos, Chartres 8, c'est une bonne nouvelle, le jeu est top, il suffisait de trouver quelqu'un qui modernise un petit peu tout ça. Et je pense que Camille Combal est la personne idoine. J'ai hâte de me mettre devant la télé et pouvoir juger, merci pour l'info, le GPS. Mais moi, je pense exactement la même chose. Je pense que ça va donner un coup de neuf et j'ai hâte de voir ce que ce jeu va donner. Web. Une radio des hits. Studec. Du kiff. Studec Web. Ah, c'est le bazar là-dedans. Peut-être engin. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studec Web. Romain, tu vas nous parler d'une trouvaille que tu as fait cette semaine. Ah oui, exactement. J'ai ouvert ma boîte à gants, comme hier, et j'ai trouvé non pas un ticket, mais deux tickets. Le premier qui concerne l'exposition du Crayon, et le deuxième qui concerne tout simplement, bon, c'est un billet de théâtre, hein. Donc je vais vous parler de ça dans quelques instants. On va commencer par le Crayon. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un palace parisien qui est situé à Place de la Concorde, entre l'avenue Gabriel et les Champs-Élysées. Hôtel mythique du milieu parisien, hein. Vous avez pu l'apercevoir dans le film Le Jaguar avec Patrick Bruel et Jean Reno notamment. Il a malheureusement fermé pendant de longues années et a réouvert en 2017. Et à l'occasion des 1 an de la réouverture, l'hôtel a voulu marquer le coup, comme on dit, et a sollicité la galerie Polka, une entreprise de photographie, en laissant carte blanche au photographe Emmanuel Scorsiletti pour faire une série de clichés qui seront inoubliables. Et pour ça, il a contacté le musée Grévin en demandant s'il était possible de faire venir des statues des habitués de l'hôtel pour des shootings photos. Le musée a tout de suite accepté. 17 célébrités ont été placées dans l'enceinte de l'hôtel. Il a fallu plus d'une semaine pour arriver à un tel résultat. Vous pourrez notamment voir le général de Gaulle, Louis de Funès, Edith Piaf, Madonna, Henri Salvador et bien d'autres, comme Ernest Hemingway et Charles Aznavour. Les statues ne seront pas visibles, elles étaient présentes uniquement le temps des shootings. Si vous voulez les voir, il faudra aller au musée Grévin. Néanmoins, les clichés seront bien visibles. J'ai eu la chance de pouvoir voir ces photos et je dois avouer que ça en jette quand même beaucoup. On s'y croirait. Sur une photo, on peut apercevoir Edith Piaf qui chante dans l'ancien bar de l'hôtel avec Charles Aznavour qui est assis sur le piano en train d'admirer la chanteuse. Ernest Hemingway également là, assis au comptoir avec un verre. C'est très très réaliste et on peut s'imaginer plein de choses en voyant ce genre de clichés. Tout l'hôtel a été photographié dans les différentes pièces, le bistrot, une chambre d'hôtel et notamment dans la suite Bernstein où on peut voir Jimi Hendrix chanter avec une vue imprenable sur le Grand Palais et la Tour Eiffel. Cette photo est juste magique. À l'extérieur a été pris un cliché absolument magnifique. On y voit le général de Gaulle à côté de sa déesse et Louis de Funès habillé en gendarme de Saint-Tropez prêt à sortir ses PV pour infraction de stationnement. J'adore cette photo. Alors l'exposition se tient à l'hôtel du Crayon jusqu'au 25 novembre 2018. C'est gratuit, donc allez-y, vraiment, ça vaut le coup. J'ai pas du tout été déçu d'y être allé et je vous le recommande, c'était super. Et puis si vous aimez les photos, je pense que l'hôtel du Crayon, il y a clairement rien de mieux puisqu'assister à une expo dans un lieu comme celui-là, en plus de voir les photos, vous serez dans l'un des palaces les plus prisés de la capitale, donc ça n'a pas de prix. L'hôtel est juste magnifique, vous serez juste triste de ressortir de là, c'est moi qui vous le dis. Et puis, si vous n'êtes pas féru des expositions en photo, je vous conseille d'aller voir Joey Starr au théâtre. Oui, vous avez bien entendu, le chanteur du groupe Suprême NTM sera en représentation le 23 novembre au théâtre du Rond-Point pour une seule représentation. Il restituera sur scène des textes d'hommes et de femmes courageux dans Éloquence à l'Assemblée, mise en scène par Jérémy Lippmann. Respecté par les Français en tant que comédien depuis son rôle dans le film Police de Mai Wen, Joey Starr saura aussi, d'après moi, conquérir le cœur des théâtrophiles. Il mettra en lumière des textes engagés, passant de Robespierre à Victor Hugo. Il prête sa voix aux engagements de ces grands hommes et de ces grandes femmes, écrivains, révolutionnaires ou encore chefs de guerre qui se sont servis de leurs écrits pour leur pays. Les textes de ces personnages engagés résonneront dans le théâtre du Rond-Point grâce à la voix grave du rappeur et comédien Joey Starr. Donc rendez-vous le 23 novembre pour une représentation unique et sensationnelle. Personnellement, je suis pas très photo, mais bizarrement, tu m'as donné envie d'y aller, tu vois. Ah, là, je suis content. En cas d'ennui la semaine prochaine, au moins, vous savez où aller. Précédemment sur Studek Web. Soyez fiers du travail que vous allez faire l'année prochaine, parce que moi, j'ai aucun doute de votre qualité. Après 5 mois d'absence, l'équipe la plus folle est de retour. Nous sommes en direct du plateau télé Studek Web. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir sur Dailymotion et YouTube en live. Patate d'enfer, une barre de fer, un bloc de béton impossible à plier. Impossible à plier. Deux fois plus. Trois fois plus. Les portes étaient fermées, mais tout va réouvrir. Studek Web, la rentrée. Le 5 novembre. h 40, les titres qui seront développés dans Studek Soir avec Guillaume Buan. Bonsoir Dove, bonsoir à tous. Au sommaire de Studek Soir à 18h, aujourd'hui c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement dans les écoles, un fléau de plus en plus présent à cause notamment des réseaux sociaux. Olivier Laurando, président de l'association de lutte contre le harcèlement ACVS 49, revient sur les précautions à prendre. Déjà nous, quand on fait des préventions, on fait un rappel que les réseaux sociaux, c'est pas avant l'âge de 13 ans. Alors aujourd'hui, il y a des conditions d'utilisation, et puis ensuite, c'est de rappeler des différents paramétrages, éviter de se mettre en mode public et plutôt en mode privé, faire attention à l'image et les photos qu'on diffuse. On rappelle aussi que tout ce qui est diffusé et tout ce qui est écrit garde des traces. Alors cette année, les associations appellent donc à la libération de la parole des jeunes. Constance Vercamer nous listera justement les solutions qui leur sont proposées. Dans l'actualité également, François de Rugy, ministre de l'écologie, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sont réunis depuis 16h à Bercy afin de trouver une solution à l'augmentation du prix du pétrole. Sont conviés les grands patrons de groupes pétroliers. Ils appellent notamment à baisser les prix dans la distribution afin de combler l'augmentation des taxes. Johan Bredov nous détaillera ces réformes. À Marseille, une 7e personne a été retrouvée dans les décombres, annoncé. C'est le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin qui a justement affirmé aujourd'hui ne pas démissionner de son poste suite aux effondrements des deux immeubles. Il se défend vis-à-vis des critiques également de la population après le drame. Le maire de la ville souhaite collaborer avec l'État afin d'obtenir davantage de fonds publics pour les rénovations. Théo Andrieux reviendra sur les déclarations du maire de Marseille. Enfin, à l'international, une nouvelle fusillade a fait 12 victimes en Californie. Un ancien soldat de 28 ans est à l'origine de cet acte. Il s'est suicidé juste après. Au lendemain des élections de mi-mandat, le débat sur le port d'armes est donc relancé. Luna Padaon nous expliquera la situation aux États-Unis. La météo pour votre vendredi 9 novembre, une belle journée ensoleillée sur la moitié nord du pays. L'Est restera toujours sous la pluie. Des orages sont même prévus sur le bassin méditerranéen. Pour les températures, compterez entre 12 et 19 degrés. Voilà pour l'essentiel. Rendez-vous à 18h avec Eloane Bro pour votre édition du Studek Soir. En attendant, retrouvez Dove et toute son équipe pour le GPS. Merci Guillaume. Studek Soir, le journal de la rédaction, ce sera à 18h. Studek, l'infotrafic. Johan, comment il avance ce trafic ? Ça a bougé depuis ? Oui, ça a bougé. À noter un accident sur l'autoroute A6 de la province en direction de Paris, plus exactement de Savigny en direction de Chilly-Mazarin. 4 véhicules légers sont impliqués, la voie de gauche est fermée, le trafic est fortement perturbé. Un autre accident sur l'autoroute A13 Paris-Province de Rocancourt en direction de Forêt-de-Marly, impliquant 2 véhicules légers, là aussi la voie de gauche est fermée. Et enfin, toujours le même accident sur l'A86, le trafic reste perturbé après un accident aux abords du péage de Vélizy, impliquant un poids lourd. La bretelle de sortie extérieure vers Vélizy est toujours fermée pour une durée indéterminée. Un dépanneur est présent pour relever la remorque et ses marchandises, la circulation est ralentie. Merci Johan. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Le dernier indice pour vous aider à retrouver l'année que nous recherchons, maintenant avec Rémi. Oui, écoutez bien, l'année que nous recherchons, c'est la sortie de la chanson En chantant de Michel Sardou, l'élection du pape Jean-Paul II et la sortie du film La cage aux folles. Et puis en Espagne, c'est un moment extrêmement fort pour la population, c'est l'organisation d'un référendum constitutionnel pendant le processus de la transition démocratique espagnole après la destitution des institutions franquistes dirigées par Franco. La constitution est adoptée par 87% de voix oui sur 59% d'inscrits. Elle obtient la sanction royale et est publiée au bulletin officiel. En quelle année est adoptée la constitution espagnole? À vous de trouver et d'envoyer votre numéro de téléphone sur la page Facebook StudecWeb. Un d'entre vous sera tiré au sort et passera l'antenne pour nous proposer sa réponse. Donc, bonne chance à tous. Laissons place maintenant à un titre qui me plaît énormément, sorti la même année que celle que vous recherchez, Julien Clerc, Ma préférence. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais, cet air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur StudecWeb. Johan, je t'ai vendu tout à l'heure. J'espère que tu as des insolites de qualité. Eh ben, j'espère que je vais te faire plaisir, Dove. Messieurs, je vais changer un petit peu les habitudes. Évidemment, je vous énumère des informations insolites provenant du monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, vous devrez deviner la chute après avoir entendu le début de l'info. Dove, ah, ça j'aime. Un quiz. Dove, Rémi, Romain, êtes-vous prêts? Allez. Oui. Première info, on va commencer par un peu de politique. Le candidat républicain Dennis Hoff a remporté les élections de mi-mandat dans le Nevada. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Premièrement, Dennis Hoff n'était qu'un voyageur qui a fait escale au Nevada et ne s'est jamais présenté à ces élections. Deuxièmement, Denis Hoff est décédé il y a bientôt un mois de cela. Ou troisièmement, Denis Hoff s'appelle en réalité Romain, il est membre de l'émission Drive sur Studio. Moi je crois que j'ai la réponse, j'ai vu ce truc là. C'était pas un mec pro-Trump, je sais pas quoi, qui a été élu alors qu'il est mort depuis 3 semaines. C'est ça, ouais, il est décédé le 16 octobre. Il était notamment connu pour ses émissions de télé-réalité ou pour avoir ouvert 7 maisons closes. Il a, il a tout de même eu 63% des voix. La vache, c'est ouais. C'est triste quand même. Quand tu sais, quand t'es toi aussi candidat et que tu sais que c'est le candidat qui est mort qui a été élu, c'est vraiment que personne n'aurait voté pour toi de base. Mon deuxième info, on s'envole en Inde, dans la ville d'Ayodhya, située dans le nord du pays. Cette ville a battu un record du monde du Guinness Book. Quel est ce record? Celui du nombre de lampes à huile d'argile allumées, celui du plus grand spectacle musical sans aucune musique, ou celui de la plus grande statue réalisée avec des allumettes? Allumettes? Les lampes à huile. Ah, je dirais qu'il a fait une Jacques Villeray comme dans le dîner de con, il a fait une statue en allumette pareil. Eh bien, non, c'est Rémi qui a la bonne réponse. La ville d'Ayodhya a allumé plus de 300 000 lampes à huile d'argile à l'occasion d'une fête hindoue. Le précédent record était détenu par la ville d'Ariana avec 150 000 lampes allumées. Très bonne info, t'as une dernière à nous donner ? Eh oui, oui, j'en ai une dernière. Vous savez quoi, je vais en faire une qui m'a plu, moi. On finit avec une petite info locale, messieurs. Le nom de Dylan Lopez ne vous dit probablement rien et pourtant il a fait parler de lui. Mais qu'a pu faire ce jeune homme ? Alors, premièrement, est-ce qu'il a organisé une flash mob déguisée et s'est retrouvé totalement seul après s'être trompé de date dans son événement Facebook? Est-ce qu'il a placardisé des affiches chat perdu dans les rues de sa ville en mettant son CV en dessous de la photo du chat? Ou est-ce qu'il s'est présenté en cours depuis septembre sous une fausse identité après s'être fait exclure de son université pour avoir ramené une chèvre en classe? Ça, c'est le CV, la réponse D. J'aurais fait la même, c'est le CV, je suis sûr. Exactement, c'est le CV. Dylan Lopez est un albigeois de 22 ans. C'est un graphiste titulaire d'une licence en aménagement du territoire et en quête d'un travail. Il s'est dit qu'une affiche de chat perdu allait forcément plus attirer l'œil qu'un simple CV. Ah ouais, merci. Bien vu, bien vu. Ouais, merci à Johan. Décidément, j'adore tes insolites. Elles sont pas mal, elles sont pas mal. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studekweb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. On accueille Victor, salut Victor. Salut à tous. Bienvenue sur Studek Web, tu as 28 ans, c'est tu viens de Marseille. C'est ça, ouais. Un Marseillais. Salut Victor. Un Marseillais, ouais. Bon, là, je viens pas de Marseille, mais ouais, pour l'instant, j'habite à Marseille, ouais. Tu joues avec nous au jeu de la marche arrière, Victor, pour repartir avec quoi? Tu le sais? Non. Un pack Studek Web et une visite de nos studios, c'est pas rien. Pour ça, il faut que tu aies bien écouté les 4 indices et que surtout tu aies trouvé la bonne année. Mais revenons un instant sur les indices. Nous avons un extrait d'une chanson de Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. En chantant, sorti l'année que nous cherchons, nous avons l'élection du pape Jean-Paul II, un extrait du film La Cage aux Folles, sorti cette année-là. Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt? Regarde un peu ton doigt. Ben oui, alors, il se redresse tout seul. Ah oui? Oui. Tu raconteras ça aux députés ce soir, hein? Et oh! Attention, le petit doigt, là. Un petit peu en l'air. Il s'enlève tout seul. Et enfin, l'adoption de la nouvelle constitution espagnole, sans oublier l'année de sortie du titre Ma préférence de Julien Clerc, qu'on a écouté il y a quelques minutes. Alors, Victor, on t'écoute. Je dirais l'année 1978. 1978, Dove. Oh, ça me paraît bon. Bah oui, on est même très, très bien. Bravo, Victor. Bien joué, Victor. Victor, c'était vraiment cool de t'avoir. Tu repars donc avec un pack Studek Web et la visite des locaux. Ça devrait te faire plaisir. Tu verras toute l'équipe. Ça va être super. Victor, on dit à la prochaine. Merci à vous. À la prochaine. À bientôt. À la prochaine, Victor. Salut. Continuez de nous écouter, vous aussi, sur la web studioecoledefrance.com. Ça, c'est une nouveauté. C'est sorti il y a quelques jours. On ira de Nola. On en parle juste après. Comme une idylle, le rêve dans la nuit, un voyage sans fin. Paraît qu'il n'y a pas d'amour sans folie, alors on verra bien. Je revois encore nos nuits, l'odeur de ton absence. Je te rattraperai si tu fuis, si tu changes de sens. Let me love you. Let me love you. On ira. Comme le regard d'un enfant, pour tes yeux de pluie. Tu sais, j'ai beau faire semblant, j'ai peur aussi. Je revois nos lendemains au son de ta voix. Si tu changes de chemin, moi je viens avec toi. Let me love you. Let me love you. 7h55 sur Tudec Web, bienvenue. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là, je fais quoi, droite ou gauche? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous, à la base je voulais être chanteuse moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, moi je vais plutôt. L'intersection sur Tudec Web. L'intersection, ce fameux quiz de vitesse entre l'équipe des WR, Romain et Rémi, et l'équipe Je fais comme si j'allais gagner alors que je sais très bien que je vais perdre, composée de Johan. Merci. De rien, une équipe de 1. C'est normal, tu travailles à la rédaction de Studek Web, tu es donc certainement plus cultivé que mes troupes. Enfin, en théorie, pour l'instant, on a eu Tony, Kevin et Luna de la rédaction qui ont perdu, ça fait 3-0 pour l'instant. Allez. Alors que t'avais dit que j'avais une culture générale c'est vrai, pourrie tu, en tu plus. Ouais, tu m'as beaucoup étonné ce jour-là. Attention, question numéro 1. Quel est le cri de la brebis? Le cri de la brebis. Le cri de la brebis. C'est un nom. On a imité le cri de la brebis là. On doit donner un nom. On doit donner le nom. Quel est le cri? Tu m'as fait peur là. C'est un cri. Quel est le cri de la brebis? Un indice. Le cri du cerf, c'est le brame. Ouais. Le cri de la brebis. La brebis, mais. C'est rien. Et le poisson fait rien. Le bêlement. Le bêlement. Bah le bêlement quand même. Bon, c'est pas grave. C'est évident. Dans Boule et Bile, quelle est la race de boule? Elle se posait comme ça, elle est super. C'est un cocker, non? Eh non, vous êtes tous tombés dans le piège. Ouais. Boule, c'est l'enfant, les amis. C'est Bill. Et Bill, c'est un cocker, effectivement. Tu sais quoi, je vais quand même te donner le point. Ça fait 2-0. 2-0. Compléter l'expression, c'est la dernière. Faire des yeux de free. Faire des yeux Merlin de quoi? Free. Merlin. Faire des yeux de Merlin Free. Encore une très bonne réponse. Bah, je suis à 0. Eh bah, écoute, c'est encore l'équipe des WR qui gagne. Ah là là. Ah. Oh, c'est vrai, Johan, joli. Oh, Johan, ouais. Tu as fait ce que tu as pu. Tu vas pouvoir. J'ai rien fait du tout. Merci. En tout cas, merci. Le GPS vous donne rendez-vous lundi prochain. Une nouvelle semaine avec le retour du Vinyl Story, du plein phare. Le retour de la marche arrière avec toujours Impact Studek Web à gagner. Merci Romain. Merci Rémi. Merci Johan. Et ben merci à tout le monde. Merci, salut. Et merci à vous d'avoir participé sur les réseaux. À lundi pour le Grand Prime Studek. On vous laisse avec la rédaction pour le journal Studek Soir. Avant ça, on écoute Calvin Harris sur Studek Web. Refine. cher.